Bonjour. Bonjour. La chambre de monsieur A, s'il vous plaît. Monsieur A, chambre 256, deuxième étage. Merci beaucoup. Je sais pas par où commencer, je vais essayer de faire ça bien. Déjà j'ai rien oublié, même si j'étais peut-être gamin. Je me rappelle de ce que ça fait moi, que de vivre dans la peur. Je me rappelle du passé de maman, des gifles dans sa gueule. Ouais, tu t'en es sorti, mais t'aurais dû prendre 10 ans ferme. T'inquiète pas, j'ai bien compris, ça m'a servi de grandir sans père. Maman s'est pas sauvée, non non, elle s'est relevée grâce aux prières. Si tu savais comment je suis fier, si fier de ne pas porter ton nom. Maintenant tu vas m'expliquer pourquoi tu nous as laissé mourir. Pourquoi tu t'es sauvé quand le malheur nous a fait des sourires. T'avais juré, tu devais changer papa, mais tu l'as pas fait. Elle t'aimait. Toi tu rentrais rabat et tu l'as frappé. Ouais, j't'ai longtemps attendu, j'espérais, peut-être à tort. Combien de fois j'ai prié le bon Dieu pour trouver derrière ma porte. Et maintenant c'est différent, t'es là, t'es mal, t'es près du gouffre. C'est vrai que tu souffres et moi je sais même plus si je dois t'aimer du coup. Tu vois le truc, pars pas, me laisse pas une deuxième fois. J'y arriverai pas sans toi, ne laisse pas la mort nous séparer. Ne me lâche pas, ou emmène-moi avec toi. Et ne me demande pas pourquoi, on a tellement de choses à réparer. Ne pars pas, me laisse pas une deuxième fois. J'y arriverai pas sans toi, ne laisse pas la mort nous séparer. Ne craque pas, ou emmène-moi avec toi. Et ne me demande pas pourquoi, on a tellement de choses à réparer. J'ai appris à vivre sans père, les larmes au bord des yeux. Élevé par un seul parent, qui jouait le rôle des deux. Maman la seule femme que j'ai dans la chair. D'ailleurs le soir, je l'entends souvent pleurer en cachette à cause de toi. Et aujourd'hui j'ai le cœur en miettes. J'évite même de le prêter aux gens. Si tu savais comme j'ai la haine, ouais la haine de t'aimer autant. Il paraît qu'on a le même sang, il paraît qu'on a le même nez, il paraît qu'il faut pardonner. Je crois qu'aujourd'hui on va faire sang. Et quand je te vois avec ces tuyaux sur ce lit d'hôpital, je me dis que tu m'as aimé trop tard. Pour moi t'aurais dû viser plus haut. Et c'est la vie, y'a les pères modèles puis y'a les bâtards. J'aurais aimé qu'on joue au foot ou t'appeler quand y'avait bagarre. Moi je demandais pas grand chose, juste à être aimé c'est tout. Mais toi t'as préféré l'alcool, ouais toi t'as préféré les coups. Pour aimer il faut un cœur et je crois qu'en vrai t'en as pas. T'as beau être dans un lit propre, ce soir t'es quand même dans le sale drap. Regarde-moi, j'ai 23 ans, t'es parti quand j'en avais 5. Que tu me ferais souffrir autant. Moi à l'époque j'en savais rien, ton amour tu me l'as pas donné. Mais malgré tout je t'aime papa, je demande à Dieu de te pardonner. Car moi j'en suis incapable. Ne craque pas, ou emmène-moi avec toi. Et ne me demande pas pourquoi, on a tellement de choses à réparer.